qu'en fait, ce qui s'est passé, pour vous remémorer un peu la fin de notre épisode précédent, last épisode à l'américaine, tu vois, c'est que vous avez heureusement finalement réussi à revenir dans votre monde, si je puis dire, puisque vous étiez coincé dans une dimension parallèle, une dimension assez bizarre, dans un train. Et grâce à une espèce de rite. Oui. Voilà, c'est ça. Bottishark Tulu. Grâce à un rite assez morbide, assez cracra, vous aviez réussi à vous sortir de là. Et non sans mal, puisque en fait votre train tout simplement est tout simplement revenu dans une vraie temporalité et est revenu sur les rails. Mais seulement, il est revenu, mais en face d'un autre train qui arrivait également, mais qui allait dans l'autre sens. C'est plutôt gênant. Mais grâce au courage de deux d'entre vous, voilà, vous avez Grâce à réussi. la rapidité d'esprit de l'un d'entre Voilà, eux. vous avez réussi à accéder au frein de ce train et à l'arrêter. Au dernier moment. Par contre, deux personnes, eux, ont pas eu trop confiance en vous et ont préféré sauter du train en urgence. Donc Catherine et toi, Nelson, si je me souviens bien, vous avez préféré sauter du train, vous blessant quelque peu. Vous avez quand même, vous avez limité les dégâts, mais disons que vous avez quand même été un petit peu blessé, donc ce qui était un petit peu gênant. Dans la foulée, je sais plus si c'est toi, Emilio, qui a réussi ou toi, C'est moi qui ai réussi à rattraper. c'est toi qui l'as, ouais, donc c'est toi qui a réussi, Emilio, à rattraper le responsable de cette aventure. Mais vous avez quand même remarqué qu'il avait vachement vieilli. Il avait pris un sacré coup de vieux. J'ai cru qu'il allait tomber en cendres à un moment donné, tellement il C'était pas loin, exactement. C'était pas loin. vieillissait. Vous avez quand même. Vous êtes quand même en hiver, hein. On est au mois de janvier. Il fait froid. Le jour est en train de se lever. C'est pas tout à fait. Le soleil est pas haut dans le ciel encore, hein, donc. Il fait frais, même très frais. Vous êtes. Je crois que Nelson et Catherine sont mouillés puisqu'ils ont sauté. Il y a eu un peu de. Elle mouillée, je sais pas, moi non. Oui, vous êtes frigorifiés même. Et puis vous avez entrepris de vous retrouver dans un village, dans une petite aussi. Dans un petit bled un peu plus loin, et là vous avez trouvé un pub, et vous êtes rentré, et là. On s'est fait recueillir par un couple de taverniers d'aubergistes. On a Exactement. bien dormi, on a bu, on a été repus, on est reparti le lendemain. Exactement, en On fait, est venu nous chercher, on est reparti, ouais. ton majordome est venu vous chercher. Et vous êtes reparti à Londres dans la foulée. Ça vous a pris quand même pas mal d'heures, mais vous êtes retourné au bercail. Alors, les blessures de Catherine et Nelson ont nécessité à peu près une bonne semaine de repos et de soins. De votre côté, Emilio. Et putain, ça y est, j'ai perdu son nom. Peter, Peter, voilà. Emilio et passe pas Peter. le bec et pas loin. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre petite semaine? Ah, je bossais. T'as bossé? Ah ouais, un peu. Fallait bien. D'accord. Faut bien faire rentrer un peu d'argent, quoi. Mais tu as bien Je parle. géré le fait que vous avez Il a bossé honnêtement ou il a bossé il a bossé quelque... Il s'est passé quelque chose quand même de fou dans vos vies quand même. Hein, donc, Ouais, mais je préparais le truc pour ensuite partir. Je faisais les derniers préparatifs pour dire à mes hommes de faire ci, de faire ça pendant mon absence. D'accord, d'accord. Et toi, Peter? Moi, je suis allé un petit peu dans des petites fumeries pour un peu décompresser et peut-être oublier certains moments. Hein. Je suis pas encore devenu accro, mais j'en ai vraiment besoin souvent. Et là, comme je n'ai plus mes médicaments, ça peut être pas trop mal. Ah, mais... En fin de soirée, je devais le rejoindre aussi un peu, quand même. Non, donc, tu sais pas, ça... Et jamais je te le dirai. Ouais. Quand tu partais là-bas. Sachez que ce que vous avez subi tous les quatre, ça a été quand même très dur, on va dire psychologiquement parlant, parce que vous avez quand même douillé au niveau de votre santé mentale, on est d'accord. Ça fait en sorte que pendant cette semaine, la nuit, vous allez avoir quand même pas mal d'insomnie. Voire, quand les peu de fois où vous allez pouvoir vraiment dormir, des cauchemars. Vraiment des cauchemars limite presque réels. On a l'impression que vous y êtes encore, quoi. Et en journée, parfois des absences. Des petites absences. Vous faites. Pendant un temps, vous faites quelque chose et puis vous avez peut-être 20 minutes d'absence et vous pensez 20 minutes. C'est le début de la fin, Alzheimer nous tient. Pendant ces 20 minutes, vous savez même pas ce qui s'est passé vraiment, ce que vous avez fait. Quoi. Donc la semaine se passe, toi Nelson et bien sûr Catherine, vous êtes aux soins. Nelson, tu as ton majordome qui s'occupe de toi avec dévotion. Il fait venir pour toi les meilleurs médecins du coin pour que tu te remettes le plus vite possible. Est-ce que tu as pris en charge les soins pour Catherine? Enfin, est-ce que tu l'as invité à rester chez toi ou... À moins qu'elle ait décidé du contraire, ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. On va dire que Catherine. Et soigné chez toi également par les mêmes médecins. Et en gros, une semaine se passe et on vous dit tout simplement que ne forcez pas trop, s'il vous plaît. Mais vous êtes apte à pouvoir reprendre votre vie de tous les jours. Par contre, tu vois que le médecin qui s'est occupé de toi. S'approche de toi et te demande écoutez monsieur je sais que vous n'avez pas une vie de batailles et de cascades, mais c'est quand même surprenant que vous ayez été blessé comme ça. Si vous avez, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai l'impression qu'un tram serait roulé dessus presque. Franchement, on aurait presque l'impression que vous êtes tombé d'un train. Blessures que vous avez, les éraflures, les contusions, vous avez fait une belle chute en tout cas. Ouais. Vous voulez un petit gin? Non, j'ai encore des patients derrière, je vais éviter de boire un verre, mais à l'occasion... Si vous voulez, je repasserai quand je ne serai pas au travail, évidemment. Volontiers. Écoutez, bon, sur ce, je vous laisse, mon bon monsieur, et peut-être que j'essaierai de repasser d'ici une semaine, si vous êtes encore là, bien sûr. Voir si ça va. Très bien. Ok, donc du coup, il s'en va. Vous saluerez Catherine de ma part. Je lui ferai la bise. Allô, Cass. Et tu vois qu'il s'en va. Continue la lecture de mon journal, moi. Voilà. Donc maintenant, pardon. Nelson, tu sais que tu es apte à reprendre du service. Toi, Emilio, et toi, Peter, on vous a mis au courant par... par téléphone, mais par je sais plus comment ça s'appelle. Des petits messages. Pigeon. Télégramme. Télégramme, merci. du bon rétablissement de Nelson et de Catherine. Donc, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous continuez vos occupations? Vous décidez d'aller les rejoindre? Prendre de leurs nouvelles? Moi. J'hésite, vraiment, ils m'ont abandonné, hein, pour moi. On va quand même aller les voir avec Emilio, j'espère. Oui, ben moi, je comptais y retourner, parce que... Ils m'ont beaucoup déçu. Comment ce qui se passe? Surtout Nelson, mais ça, c'est parce que j'ai encore son petit message dans la poche. Son petit message d'adieu. Tu veux le magot, c'est ça? Tu veux le magot du Captain Igloo? Pour le coup, vous arrivez ensemble, effectivement, parce que vous êtes rejoint, sur le trajet, hein, et vous arrivez à la propriété de Nelson Bessborough. Le majordome vous ouvre la porte, il vous indique l'endroit où se trouve Nelson, et vous voyez Nelson qui est dans le fumoir en train de un cigare, un verre, un journal, et vous voilà en face de lui. Je vous laisse vous retrouver tous ensemble. Ah, mon cher Watson, mon cher Nelson, comment allez-vous? Ça va un peu mieux, ça va mieux grâce aux soins des docteurs, et puis l'autre là-haut aussi, Catherine. Bon, Catherine est un peu fatiguée pour l'instant. Elle se repose pas mal là. Une petite marmotte. Et vous, comment allez-vous? On peut faire mieux. J'espère que je vais enfin peut-être oublier ce qui s'est passé dans ce train. Le sommeil vous a pas manqué? Un petit peu. Mais c'est je dur, le retrouve assez temps. Souvent, vous en faites pas. Ah. Morphée m'accueille toujours à bras ouverts. Est-ce qu'on continue trop d'étreinte, hein. Le travail, c'est la santé. Je suis remis au travail et pour essayer, peut-être pas d'oublier, mais au moins de m'apaiser un peu. Les frustrations. Alors, notre prochaine étape, messieurs. En France? Paris, normalement. Paris. Paris. Du coup. Et qui possède l'ouvrage là? C'est. Emilio. C'est ça. Gardez-les bien en sécurité, Emilio. Ne vous inquiétez pas, il est toujours avec moi. Vous ne voulez pas qu'il dérape et qu'il tombe de rail? J'y vais bien. Du coup... Parce que je suis plus à même pour garder ce dernier, de toute façon. Vous... Comme ça, vous discutez pendant un petit moment sur la démarche à suivre. Une fois que Catherine sera sur pied, c'est peut-être le moment d'aller chercher vos billets. À moins que on a envoyé le serviteur aller réserver. Ton majordome s'en occuper pour toi. J'aimerais bien l'appeler Jarvis, mais il change tellement de prénom tout chaque session que. On a qu'à demander à Emilio d'aller le chercher, puisqu'il a quelques contacts, j'imagine, pour avoir des billets. J'ai pas des contacts pour avoir des billets pour l'Orient Express. J'ai des billets pour aller voir un match si vous voulez, mais ce genre de choses là, non. C'est pas les mêmes billets. Voilà. À savoir que vous savez déjà que. Pour aller sur Paris, il vous faudra déjà donc prendre. Ouais, c'est pas un train. Le RERC qui va vous emmener de Londres à Douvres. Et de là, à Douvres, vous pourrez prendre donc un ferry qui vous emmènera jusqu'à Calais. Et de là, à Calais, vous prendrez un autre train qui vous emmènera à Paris. A savoir que le train de Calais, les wagons dans lesquels vous allez rentrer, seront déjà des wagons de l'Orient Express. Et ce sera genre, le dernier wagon qui sera décroché une fois arrivé à destination à Paris pour directement être raccroché à l'Orient Express lui-même qui partira après. On change pas de wagon en gros, on descend pas de quai, non, on n'est pas censé voilà. Descendre de quai. Alors, changer attention. Attention, c'est que faut imaginer l'Orient Express comme un train, enfin, il y en a plusieurs qui vont passer. Par exemple, genre vous aurez des Orient Express quasiment, pas, peut-être pas. C'est une ligne, il y a plusieurs locaux, voilà, plusieurs trains. Donc en gros, c'est ça. Si vous pouvez descendre d'un Orient Express et reprendre l'Orient Express une semaine plus tard pour continuer votre trajet par la suite. Voilà. Le ticket est encore valide. C'est ça, en fait, vous allez avoir un ticket qui va être un ticket qui sera jusqu'à Constantinople. Mais en fait, les contrôleurs vont poinçonner en gros la destination à chaque fois où vous êtes arrivé. Et bien sûr, tant que vous n'êtes pas arrivé à Constantinople, votre ticket est toujours valable, évidemment. Du coup, vous allez vous diriger vers... Prendre le petit bagage. Prendre vos petits bagages, votre petite calèche ou l'auto, comme vous voulez. Vous prendre une voiture, à la gare de Londres. Vous allez prendre votre train et vous diriger vers... Eh ben non, j'y vais en montgolfière, juste pour te faire chier. Ça va te prendre un peu plus de temps, certes, il est vrai. J'ai demandé à Emilio de souffler dans la montgolfière. Hein ? La simplicité, moi je dis, hein. La simplicité. Bah tant qu'à faire. Cherche les règles pour la montgolfière, attends. Non, c'est pas ça, c'est que avant j'avais réussi à ouvrir deux sessions de Fantasy Ground. Mais là, j'arrive plus. Et une en administrateur, et l'autre non. Faut que tu fasses local host pour la deuxième. Tu fais joint et tu fais local host en adresse. Et en name, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais pour l'ouvrir seulement, la deuxième session. L'exécuter, ouais, l'ouvrir. Ouais, tu fais un clic avec la bolette sur l'application. En général, ça exécute une deuxième fois. Ah, mais merci. Mais je savais pas. Ça non plus, je savais pas. Tu peux laisser ça sans couper, hein, pour pour les personnes qui nous suivent. Faire un hors série tuto Fantasy Ground plus qu'une deuxième. Non, mais ça marche avec tout, hein. Ça, la fonction clic de molette, ça marche avec tout. C'est-à-dire que normalement, ça t'exécute l'application. Donc vous voilà maintenant. Dans le train qui vous amène à Douvres. Pendant ce temps-là, vous allez un petit peu vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé depuis que vous êtes rencontrés quasiment, hein, depuis que vous avez vu le professeur Smith. Vous avez récupéré des documents qui vous ont un petit peu dirigé, donc notamment un certain Macriat. Mehmet Macriat. Ah mais celui-là, si je le retrouve. Qui était quand même, comment dire. Voilà quoi. Un vrai vendeur de saloperies, hein. Mystérieux. Vous avez eu Je viens de voir la photo du capitaine. vous avez eu tous les articles sur des morts bizarroïdes, des gens écorchés. Ça c'est donc. Et là, en gros, vous allez réouvrir en fait le document sur que vous a donné le majordome de du professeur Smith. Voilà. Donc moi je vais juste le partager à moi-même, comme ça les gens ils le verront sur le truc. Donc voici le document numéro 5. Alors vous avez ça dans les mains et ça vous donne un petit peu la marche à suivre pour la suite de votre voyage. Donc vous savez que il y a des documents, notamment c'est toi Nelson qui les a trouvés. Comme quoi, à Paris, dans la bibliothèque nationale de Paris, il y aurait des articles qui auraient qui mentionneraient le simulacre du diable, et non, non pas le simulacre de Sedefkar, mais c'est quelque chose qui est quand même assez similaire. Tu te rappelles aussi que il est possible donc qu'un morceau se trouve encore en France. Donc pourquoi pas à Paris, peut-être. Les infos qu'on a sous les yeux, on les connaît. Je sais qu'il y en a qu'un morceau qui appartient au comte. Mal orthographié Fénalique ? Oui, ouais, c'est ça, Fénalique, ouais. C'est ça. Ok. On va aller à Paris, et une fois là-bas, je pense qu'il faudrait se renseigner sur une adresse de la demeure de monsieur Fénalique. Comte Fénalique. Voir, l'envoyer un télégramme, et se présenter derrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bah c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ça va être une première piste. Un Ruth. Ruth. Écoutez, sur ce, le voyage se passe. Vous embarquez maintenant sur le ferry. Et bon, le ferry, c'est assez long comme trajet. Du coup, Emilio, peut-être qu'il est temps... D'ouvrir ce document. D'ouvrir ce document. Le fameux. Ah oui, bah, c'est... Sort... J'ai dit, vous le voulez que c'est vous cet appareil. On est pas dessus. Bon, on le lit en chemin, ça va, c'est très bien. Ouais. Il avait dit qu'il fallait le lire en chemin, t'inquiète. C'est ça. Oui. Alors. Donc tu vois que. Que le journal. Mentionne quelque chose qui s'est passé en 1893, que le professeur Smith était présent, que c'est donc c'est lui-même qui a relaté tout ce qui est écrit là-dedans, et il fait mention de sa première année en tant que professeur du City and Guilds College de l'Université de Londres. Vous voyez qu'il y a différents résumés de ses conférences, il y a des anecdotes qui relatent l'Oriental Club, ainsi que des notes sur ses études en histoire anthropologique, en littérature et en sciences occultes. Mais la plus grosse partie du journal évoque une affaire assez étrange concernant son ami, le professeur d'émir de Constantinople. et un voyage entrepris par certains de ses amis de Londres à bord de l'Orient Express pour résoudre cette affaire. Vous avez du mal à relire en fait ce qu'a écrit le professeur Smith. Vous sentez que vous survolez, hein, c'est vraiment là, vous n'êtes pas dans la lecture pure, mais vous survolez. Vous sentez que au fur et à mesure que vous passez les pages, son écriture est de plus en plus perturbée, comme si son coup de crayon était de moins en moins propre. Vous trouvez différents télégrammes qui sont coincés dans les couvertures du journal. Donc vous êtes le capitaine. Non, nous avons le capitaine Roderick. C'est ça ? Barrington. Voilà. Nous avons le professeur. Tournesol. Harold. Le professeur Harold. Harold. Et George Banks. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous décrire un petit peu, comme vous avez chacun accès à vos fiches. Normalement, j'ai dû faire un petit descriptif de chaque personnage, si j'ai bien fait mon travail. Qui décrit un peu qui ils sont, les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, et... Comme ça, ben, on connaîtra un petit peu vos personnages. Donc... Alors, le capitaine, je suis le fils cadet d'un noble, donc le dernier de la famille. Je me suis distingué en Afghanistan. J'ai constaté des présences de forces occultes là-bas. Je suis désormais en congé jusqu'à ma prochaine affectation. Quel âge, moi ? Sinon, j'aime les voyages, les trucs exotiques... gentilhomme, courtois, qui réagit par la force aux affronts. Déteste la vulgarité, je me mets du côté de la justice. Je connais Smith de l'Oriental Club. Je connais Worth, Sarok, pour les voir au club. Et j'ai rencontré Amelia en Afghanistan. C'est des personnages qui ne sont pas là. Ouais. Ou peut-être si. J'ai plus de 30 ans. J'ai plus de 30 ans. 33 piges. Voilà. Okay. Voli, voli. Ensuite, on va faire le deuxième. C'est moi. Du coup, le professeur Harold Worth, plutôt Harry, c'est un professeur d'université très intellectuel londonien. Il étudie les civilisations antiques perses et celles du Kurdistan, ce qui l'a amené à côtoyer le professeur Smith, justement, sur plusieurs de leurs découvertes, surtout sur l'aspect religion et scientifique de ce qui se passe là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont appris plusieurs choses, surtout sur des sciences occultes. Ah, ce qui a beaucoup intéressé peut-être le professeur Smith, mais dont le professeur Harold a peut-être une toute autre idée. Certainement, on verra au fur de ses aventures, mais il n'a pas peut-être la même vision de ce que devraient faire les personnes saines d'esprit face à ce genre de savoir. Donc c'est quelqu'un qui est généralement recours à son intelligence pour sortir de situation, et il a essayé au mieux... De cacher certaines vérités, et il essaye d'enquêter sur certains trucs, surtout avec le professeur Smith. Voilà. Et il est archéologue, hein. Je n'ai peut-être pas dit ça, qu'il est archéologue, c'est un peu le truc de base. Et on finit par Monsieur George Banks. Alors, George Banks, c'est un peu le cadet de la bande, il a à peine 20 ans. C'est un jeune homme de la classe ouvrière londonienne. Malgré le fait qu'il soit quand même assez intelligent, il s'est rangé dans une carrière plutôt criminelle. il est capable d'avoir des talents de voleur quand même assez impressionnants, qui lui permettent de se soutenir un peu partout. Il laisse à d'autres, en fait, pareil, de gros bras le plus souvent du temps. Il est plein de ressources, et notamment le mensonge en fait partie. Mais il faut savoir que il est insatiable, et ça rappelle fortement son jeune âge. Ah ben, c'est un peu le gamin des rues. Il faut savoir que George, en fait, a déjà volé le professeur Smith, qu'il a laissé partir avec la promesse qu'il se tiendrait mieux à l'avenir. Mais George a aussi aidé le professeur Worth avant, qui se faisait voler ses idées par un autre professeur, et dont il a aidé un peu à se calmer. Il a été présenté par le professeur Smith à ce moment-là, d'ailleurs. Voilà. Il y a certaines rumeurs qui disent que tu es mon fils. Hein. Des rumeurs totalement calomnieuses. Oui, totalement des fausses rumeurs. J'ai été élevé dans la rue, classe ouvrière, et abandonné par mes parents étant petit. Voilà. Voilà, ça. Je suis pas un enfant de cœur, quoi. Ok. Donc, vous êtes tous à Londres. Au moment où ça se passe. Donc nous sommes en 1893. On va dire que ça se passe en le 20 octobre 1893. Vous recevez par tous. Vous recevez par un petit gamin des rues. Hein, vous avez ce document. Petit message personnel. Message du professeur Smith. Ce matin, 5 Deward Street, Whitechapel. Venez, je vous en prie, soyez armé, Julius Smith. Ok, c'est... Qu'est-il là ? Voilà. Venez, je vous en prie, soyez armé. Ça doit être une métaphore. Je pense qu'il demande qu'on soit armé de notre intelligence. Je pense qu'il faut y aller simplement avec nos poings et nos armes. En sachant que, bien sûr, vous n'êtes pas les uns avec les autres, hein, vous êtes chacun de votre côté. Vous allez tous arriver chacun de votre côté, un petit gamin avec un message pour vous. Comment il vous a trouvé, j'en sais rien, mais il vous a trouvé. Donc, vous pointez au lieu du rendez-vous. C'est une nuit assez brumeuse et humide. C'est un dimanche. Un bon dimanche londonien. Et il est à peu près minuit, 1h du matin. Vous arrivez au coin de ce quartier, un quartier qui est pas, enfin, c'est pas le meilleur quartier, pas le meilleur quartier du coin, tu vois. C'est Whitechapel, quoi, c'est Whitechapel. Voilà, Whitechapel. On connaît un peu. Ouais, je me sens comme... Entre les putes et les meurtres. Qui, voilà, un quartier qui s'est fait connaître de façon assez sanglante. Un petit éventreur qui traîne. C'était il n'y a pas si longtemps, en 1888. Jack l'éventreur faisait des siennes. Donc c'est pas le meilleur des quartiers, quoi. Vous arrivez devant le numéro 5 de la rue de Wall Street. Et vous arrivez devant le professeur Smith Et beaucoup plus jeune, forcément. Hein, qui a bien quelque peu rajeuni le professeur Smith. Hein. Oui, mais nous, c'est normal, mais... D'accord. Ah oui, mais c'est la période où sa moustache n'avait pas encore cramé. Ah oui, parce que là, vous êtes en 1893. Et je vous le répète. Voilà, c'est bon, ça chie. Vous arrivez devant donc, ce fameux numéro 5 de la rue de Wall Street. Et vous trouvez un professeur Smith assez tendu, assez stressé, en train de faire les 100 pas devant, devant une porte, devant la porte. Allons, allons, cher ami. Calmez-vous, pourquoi nous avoir demandé de venir armé? Qu'y a-t-il de si... quelque chose vous perturbe? Écoutez, c'est une... je vous ai fait venir parce que... Comment dire... c'est une situation assez délicate et assez... assez... compliqué, voire même dangereuse. Si je vous ai fait venir avec des armes, ce n'est pas pour rien. Et j'ai bien peur que c'est pour ça que je voudrais que vous m'aidiez pour ça, d'avoir besoin de vos compétences en la matière. Expliquez-vous, Julius, expliquez-vous. Et, pendant que vous discutez avec lui, vous voyez quand même que l'ambiance autour de vous, c'est très sombre, très, c'est une pénombre, assez, c'est très obscur, très glacial. C'est la pénombre. Ouais, aussi. Il y a des jeux de lumière un peu avec des ombres. Jean-Michel Jarre. De mettre. Tellement. Vous allez tous me faire. J'ai. De trouver objet caché. Putain, sa compétence de trouver objet caché est moins bonne que mon sa perso. Pareil. Bordel. Je réussis pile poil. Et ben. Aïe aïe aïe aïe aïe. C'est quoi c'est. Ce score de merde. Donc tu es le seul, professeur Harold, à réussir ton jet. Ouais, je suis très fier. Ça se voit pas, mais je coche la case en ce moment même. Pendant que le professeur Smith est en train de vous expliquer, essaye de vous expliquer parce que vous savez qu'il est tellement stressé tendu qu'il n'arrive pas vraiment à s'exprimer comme il voudrait. C'est il sait pas par où commencer. Mais pendant qu'il est en train d'essayer de t'expliquer, de vous expliquer, tu remarques. Au bout de la rue, un homme qui porte un chapeau. Ah, alors, je te dis tout de suite, si c'est Mehmet Matriat, mais je vais me tirer dessus. Il est partout. Ton personnage. Non, je le connais pas, mais quand tu les as déjà présenté la dernière fois, un turc. Un homme avec un chapeau qui ressemble étrangement. Ah, un fez. Le fez, c'est le turban. C'est le, non, c'est le, l'espèce de chapeau. Le truc rouge. Ah oui, le truc. Ah, la référence banania, j'adore. C'est, non, c'est mais le, c'est l'espèce de comme si t'avais un gobelet sur la tête avec dessus une petite queue. Moi, je le dis comme ça. Tu devines la boule. Ça, clairement, moi, je trouve ça cool. Après, c'est typiquement un chapeau que tu trouves beaucoup en Turquie. En Turquie et en Égypte, hein, je sais. Ouais, mais plus en Turquie quand même. Ok. Et tu vois donc que cet homme qui est au bout de la rue, tu vois pas forcément son visage ni quoi, tu vois juste quelqu'un au loin et tu sembles deviner qu'il porterait un fez. Mais tu vois que très vite il disparaît. Je vais essayer de le rattraper. Les hommes sont suspects. Racistes. Eh bien, si tu. Non, mais je connais les. le monde arabe, plus ou moins. Donc là, ça m'étonne que j'en vois un et je pense qu'il nous a suivis ou il m'a suivi. Donc j'essaie de le rattraper. Tu essaies de d'y aller, d'accord. Mais en gros, tu essayes, tu te rends en courant au bout de la rue, là où tu l'as vu. Et quand tu arrives justement au coin de la rue, bah, tu ne vois personne. Il a disparu. En même temps, il est 1h du matin, c'est la nuit, il fait sombre. Tous les chats sont gris. Il y a un léger, très épais brouillard, plus la bruine. Là, c'est très humide, donc c'est quand même. Ouais, je fais demi-tour. J'oublie complètement. C'est peut-être mon imagination parce que j'ai peut-être mal vu. Je sais qu'il y avait un petit chapeau. C'est bizarre. Donc, sur ce, quand tu reviens, j'ai pas abandonné le professeur Smith. Je dis mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai pas demandé de courir au bout de la rue. C'est là qu'on doit aller. Oui, Julius. Je me suis un peu égaré. Vous savez, quelquefois. C'est pas grave. Suivez-moi. Continuez. Vous rentrez à l'intérieur. Moi, j'ai un katana quand même sur moi, d'après l'affiche. Hein. Du coup, et un bâton de dynamite. Vous rentrez tous à l'intérieur. Excuse-moi. De cet immeuble. Je vois mon professeur, le mec, il vient avec un bâton de dynamite dans son inventaire. C'est quoi? Excuse-moi. C'est pas grave. La cinquième fois, peut-être qu'on va me répondre. De quoi? Pardon. Et je demande au professeur qui est-ce qui lui veut du mal. Écoutez. Tu vois que c'est pas qu'il t'ignore, mais il va tout de suite parler avec une vieille femme qui a priori semble être la femme qui s'occupe du ménage et de la pension, en fait, du bâtiment, un peu la concierge, je dirais, une certaine Madame Grimm. Et vous voyez qu'il il discute à voix basse avec cette femme et qui lui donne de l'argent. Et elle vous demande de les suivre. Vous montez à l'étage et vous arrivez en haut d'un escalier assez étroit avec des planches pourries. Quand vous marchez, ça fait... Les bruits, enfin, j'ai pas le bruit exact, mais vous savez, le bon bruit de planches qui grince, qui est bien pour. Des planches pas cirées, pas entretenues. Voilà, exactement. Et des clous rouillés qui dépassent. Ouais. Au bout de ça, vous voyez une petite pièce qui est plongée dans une semi-obscurité. Vous sentez une odeur, mais nauséabonde. Qui s'échappe de cette pièce. Y a pas qu'un recrevé là-dedans, je parie. Bah, comme ça vous fait penser un peu à du vieux poisson. Ça sent la marée, quoi. Un peu un poisson vomi qui serait resté pendant plusieurs jours sur place. Ça, c'est l'odeur. La boule usagée, je dirais. Que ça vous met dans le nez, tu vois. C'est quand même. Ça picote. Ça picote le nez, tu vois. Vous rentrez à l'intérieur de cette pièce. Le professeur Smith est devant vous. Et vous êtes dans une pièce assez sinistre, éclairée avec des bougies. Deux petites bougies qui reposent sur des chandeliers. Vous remarquez que sur le lit, au fond, vous devinez un homme qui a l'air d'être complètement bourré, ivre mort, qui est couché sur le petit lit. Alors que vous voyez aussi une personne qui est juste à côté, avec un manteau noir qui le recouvre et qui vous pouvez voir son visage en fait. À côté de vous, de lui, vous voyez aussi de la nourriture qui est assez qui date pas de, d'aujourd'hui, de la veille ou même de l'avant-veille. Et des feuilles de papier jetées un peu partout. Vous voyez que c'est un peu le foutoir quand même dans la pièce. Oui, c'est ce qu'on attendrait d'une maison dans ce quartier, quoi. Voilà. Par contre, c'est une pièce qui est quand même vachement sombre. C'est très peu éclairé. De l'alcool. Vous avez du mal un peu à discerner les choses, quoi. Il y a encore une bouteille d'alcool, un truc dans le genre. Vous avez désaffecté le coin ? Une bouteille d'alcool ? Bah, en cherchant bien, tu peux trouver peut-être une bouteille de whisky sur... Il nous a dit pourquoi on est venu là, absolument rien dit du tout. La seule chose... Une bouteille de whisky, je me sers un verre, j'attends qu'on me parle. Je me tiens pas loin de la porte d'entrée, la porte en haut, on est entré. Vous sentez que l'odeur horrible... Vous sentez je me mets un mouchoir au pif. Et je respire mon haleine. Ça vient du mec qui est sur le lit. Allongé. Ah ouais, je me mets pas loin de la porte et je suis aux aguets. Je me sers un verre d'alcool, je bois. Mon flingue à portée de main. En gros, quand vous essayez un petit peu, je sais pas si certains essayent de peut-être. Vous regardez de loin la personne si. Il y a une cheminée dans la pièce ? Non, pas du tout. Il y a une canne, un balai ? Il y a une canne ou un balai ? Il y a un truc tubulaire, long ? Bah, si tu cherches dans la pièce, proche de la porte. Prends ça et je soulève la couverture. Tout ce qui le voile, je le soulève doucement. Là, en gros. Pour pas effrayer le macabé ? En gros, quand tu regardes, tu as un lit avec le mec qui est allongé, et devant lui, tu as un type qui est dans un manteau, qui a quelque chose qui l'enveloppe et qui, comme je le touche comme ça, tu peux s'occuper de lui. T'es vivant, toi, t'es mort. Pourquoi on nous a appelé, vous le savez, vous ou pas? Là, vous parlez entre vous, je suppose. Non, je parle de... Tu vois que le professeur Smith, en fait, il est quand même assez inquiet, il est très tendu. Pour ceux qui ont essayé de regarder, vous arrivez à deviner que l'homme qui est allongé, il semble vieux, assez ridé et presque mourant. Il est nu sur le lit. Sous ses vêtements. Non. À part quelques de, vous voyez quelques lambeaux de vêtements qui sont souillés, mais vraiment vous savez pas par quoi, mais vous avez pas envie de savoir quoi, limite. on ne veut pas le savoir. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est une personne nue, mais elle porte un fez sur la tête. Et au coup de bâton, qui réagit? Là, pour l'instant, disons que la personne que t'as essayé de là te se retourne et se dit attendez une seconde s'il vous plaît, je finis mon examen, je suis à vous dans quelques instants. Donc t'as l'impression quand même que c'est... Il se fout de ma gueule, il se fout de notre gueule. Non, mais tu te rends compte que cette personne a l'air d'être un médecin. Et qu'il est en train d'essayer d'ausculter la personne et essayer de... C'est un médecin de peste, le mec. Bah écoute, mais... c'est son manteau, c'est comme ça. Mais bordel, on nous a appelé, on nous dit pas pourquoi. On demande de venir armé. Je veux savoir, hein, sinon je me casse. Professeur Smith se retourne vers vous et dit écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, mais Laissez-moi juste quelques instants, je finis avec le médecin et je vous explique tout de suite. Mais... Julius, je le regarde dans les yeux. Et je vais essayer de voir à peu près si vraiment il est honnête quand il dit ça, ou si il est quand même là en train de nous mentir et nous manipuler. Quand il se retourne, tu sens que à son visage que il est inquiet, il est vraiment terrorisé par et tu sens que cette terreur elle vient de l'homme qui est allongé et que quand tu regardes l'homme tu vois que l'homme est ligoté à son lit par des lanières en cuir. Les poignets et les chevilles. Donc tu dis, un mec qui a l'air mourant, qui est à poil, qui a un chapeau sur la tête. Et le mec, il est, on lui a attaché les mains et les chevilles, enfin les poignets et les chevilles. Et tu remarques que ton ami Smith est terrorisé par cet homme-là. Très bien, très bien. Je vois à peu près le style du gars, donc... Voilà. Sur ce, le docteur Niels Hobbs se retourne, voyant que vous êtes quand même... vous êtes dans l'attente de quelque chose, et il dit bonjour, je suis le docteur Niels Hobbs. Je suis souvent mandé pour les affaires de police et autres... souci de cet ordre. Est-ce que vous pouvez tous me faire un test de médecine, s'il vous plaît? Oula, premier soir, c'est pas mal aussi. est-ce que mécanique sur les corps humains? J'ai pas médecine. C'est quoi ce score que tu nous as foutu dans les fiches de perso? Après tu me donnes des jets. De quoi? J'ai 1 en médecine, regarde combien j'ai fait. Toi aussi, il y a bien que l'un. Parce qu'après il y a des médecins, vous les avez pas pris, mais... Putain, oh là là. Est-ce que mécanique sur les corps humains c'est pas mal? Mécanique physique des fluides. Vous êtes tous plantés, donc j'en suis fort. Et par cas un peu. Donc il n'y aura aucune conséquence. Vous, tout simplement, vous voyez un vieil homme qui est allongé sur un lit et qui est mal en point. Le professeur Smith, du coup, prend la parole et sur un ton assez. Toujours dans l'inquiétude et le. Et la. Ouais, je lag. C'est bon. Toujours dans l'inquiétude et le stress. Alors, il y a 4 jours, un quadragénaire bien habillé aux cheveux gris, vêtu d'un chapeau haut de forme et d'une redingote, a proposé une importante... somme d'argent à Madame Grimm pour la chambre. Peu de temps après, des hommes portant des fezes ont apporté un homme quasiment inconscient dans la pièce. La chambre, cette chambre, était fermée et seul l'homme au chapeau de haute forme entrait et sortait. La deuxième nuit, des sons étranges ont perturbé les locataires. Et comme si le bâtiment était peuplé de murmures, de sons étranges, de voix sorties de nulle part. Les locataires ont d'ailleurs fait part d'étranges ombres aperçues sur le seuil. La troisième nuit, des hurlements se sont fait entendre. Et l'homme au chapeau de haute forme est venu offrir plus d'argent à Madame Grimm pour acheter son silence, prétendant tenter d'aider son frère devenu dépendant à la drogue. Mais la quatrième nuit, mes amis, celle qui vient de s'écouler, il était devenu impossible de faire la sourde oreille. Des hurlements stridents s'échappaient de la chambre, de même que des bruits anormaux, alors que le bâtiment entier était secoué. Le propriétaire a envoyé l'un de ses locataires appeler la police. L'homme au chapeau de haute forme et ceux portant un fez ont dû le réaliser et fuir, ne laissant que le corps flétri sur le lit. La police est venue et a appelé son propre médecin, donc Monsieur Hobbs, qui est là devant vous. Et l'homme, sur le lit, a prononcé mon nom avant de s'évanouir. Mais vous ne connaissez pas. Voilà, la police est allée chercher, donc est venue me chercher pour que je vienne ici, mais vous voyez que pour eux, aucun crime n'a été commis. Il y a juste qu'un homme malade qui doit être soigné ou hospitalisé, donc du coup ils sont partis. Ah. C'est bon, on a récupéré notre ami. Gassard, t'es revenu? Oui, je suis là. Je sais pas ce qu'il a fait, mon... Ce qu'on a dit. Écoutez, mes amis... Je suis interloqué, là, dans notre histoire. Ce qui me terrorise, et c'est la raison pour laquelle je vous ai amené ici, et armé, c'est que je pense savoir qui est cet homme. Et que malgré ce que vous qu'on pourrait penser quand on le voit comme une personne qui serait peut-être d'un âge de 80 ans peut-être, cet homme est bien plus jeune. Cet homme à la base a 25 ans. Impossible. Ok. Prenez pour des... Quoi ? Il s'agit de Matthew Pook, un étudiant de mon collège de Constantinople. De son collègue, de mon collègue de Constantinople, le professeur Demir. C'est intriguant. Disons que... Je pense que tout ceci pourrait être lié à une histoire, à une quelque chose que je vous raconterai un peu plus tard. Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Disons que je suis très inquiet par rapport à ces hommes portant des... J'ai bien peur qu'ils reviennent par ici et qu'ils s'en prennent à moi et j'aimerais aussi qu'on essaye de déplacer l'homme que vous voyez là, qu'on l'emmène d'autre part pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui. J'aimerais que vous m'aidiez à l'emmener. Et que... Il est transportable ? Pas en l'état, là, non. Il faudrait un brancard. si on le touche, on le détache, on sait pas ce qui va se passer. Et surtout, est-ce que vous avez une cache ? On a tous une cave, quelque part. Probablement que ça ira bien. C'est pas ça, je demande une vraie cache. Si ouais, une cave ? Non, mais vous inquiétez pas... l'emmener, j'ai un coin sûr où je peux le déposer. Seulement, j'ai bien peur que les hommes de Fez essayent de revenir pour le faire taire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait venir, pour que vous m'assistiez le temps de l'emmener dans un lieu plus sûr. J'en ai vu un justement au coin qui faisait le guet. Vous en avez un homme portant un fez, oui, c'est celui que j'ai poursuivi. J'ai cru le voir, mais il a disparu à mon arrivée. Ils savent déjà que nous sommes ici. Partir. J'ai cru que tu courais après un chien. Partir et on va pas aller à l'endroit où vous êtes. Vous ne pas. Si vous voulez le cacher, faut venir aller. Faudrait qu'on revienne avec un brancard. Là, on n'a pas prévu le brancard. Écoutez, sachez en tout cas que ces hommes sont très dangereux. Et les hommes en fez ? Oui. Et que si jamais vous en envoyez, n'hésitez pas soit à fuir ou voire même vous défendre si besoin.